إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulillah, ça me fait très plaisir d'être réunis aujourd'hui avec vous, les frères de cette ville de Voiron, tout près de Grenoble. Et puis, alhamdoulillah, donc, il y a eu des frères qui ont organisé, cette rencontre aujourd'hui. Et, inshallah, on espère que dans les jours qui vont suivre, on va pouvoir, inshallah, continuer ensemble. Cette rencontre et faire en sorte qu'on se rappelle les uns les autres, inshallah, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur des sujets qui ont rapport avec les fondements de la religion de l'islam, c'est-à-dire le tawhid. Et j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui sur ce sujet-là qui est le plus important des sujets de l'islam, c'est-à-dire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, en me basant sur une risala qui s'intitule « Sharhu risalatin fi tawhid al-ibada », c'est-à-dire l'explication d'une risala au sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. D'accord? Et c'est un livre, une risala qui a été écrite par le Cheikh Mohamed Bazmoul, qui est un docteur à la faculté de Aqidah et de Usuluddin à l'université de Jami'at al-Qura à Mecca al-Mukarrama. Et c'est un docteur, un cheikh, un alim qui est très connu dans le monde musulman actuellement. Et mashallah, il a écrit cette petite risala qui est une explication d'une lettre, d'un essai qui a été écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sur Tawhid al-Ibadah, le Tawhid ou l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et j'ai lu plusieurs livres sur le tawhid, dans la période où j'ai étudié, mais j'ai rarement trouvé de risala, de textes ou de livres qui ont été écrits qui sont aussi bénéfiques que celui-là. Subhanallah, le cheikh, il a clarifié et expliqué le sujet d'une manière très intéressante et remplie de fawa'id et des choses, des points bénéfiques et des choses très importantes, et expliquée d'une manière très claire. Et vous allez voir ensemble, inshallah, à quel point ça a bien été expliqué et clarifié. Donc, le cheikh, il fait son introduction avec, bien entendu, khutbatul haja, et puis il explique, il dit « Amma ba'd, fahada sharhu risalati رسالة في توحيد العبادة من رسائل إمام الدعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي صاحب كتاب التوحيد حق الله على العبيد. Donc ça c'est une risale qui est écrite par le cheikh Onadi, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est mort en l'an 1206 Hijri. Et c'est lui qui est l'auteur du livre Kitab al-Tawhid, qui est un des grands livres qui a été écrit par ce cheikh-là et qui explique le tawhid dans l'adoration également, qui contient environ 67 chapitres sur le tawhid. 67 chapitres sur le tawhid, c'est un des livres qui réunit le plus de textes, de ayat et de ahadith sur le sujet, et qui clarifie les différentes catégories de tawhid et les différentes catégories de shirk, et qui met en garde justement contre qu'est-ce qui s'oppose à ce fondement de l'islam, qui est le tawhid. Donc le cheikh il dit maqsoud al-risala bayan tawhid al-ibada wa annahu at-tawhid alladhi min ajlihi ba'atha Allah ar-rusul wa anna al-insan bidun tawhid al-ibada la yakunu muwahhidan hatta walau aqarra bi rububiyyati Allah ta'ala. Donc le cheikh explique que le but et l'objectif de cette lettre ou de ce livre, c'est de clarifier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et que cette catégorie de tawhid, c'est le tawhid avec lequel tous les messagers d'Allah ont été envoyés. C'est-à-dire tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, ils ont été envoyés avec ce tawhid-là. C'est-à-dire le fait d'établir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et que sans cette catégorie de tawhid, sans le tawhid dans l'adoration, alors tu ne peux pas être considéré comme étant quelqu'un qui est muwahhid. Tu ne peux pas être considéré comme étant quelqu'un qui a établi et appliqué, hein, qu'est-ce qu'on appelle en français parfois le monothéisme, hein, le pur monothéisme islamique, ou bien sinon, si on veut, il y en a d'établir le tawhid. Et que le simple fait d'accepter ar-rububiyya, c'est-à-dire la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir et celui qui contrôle l'univers, si tu crois en ça seulement, c'est pas suffisant pour être considéré comme un muwahhid. Il faut absolument unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, sinon tu peux pas être considéré comme un, soi-disant comme on dit, comme un monothéiste. Mais ça on va l'expliquer plus en détail au cours de l'explication qu'on va lire, puisque le cheikh il l'explique en détail et avec les preuves et tout. Donc ça va être clarifié bi'idhnillah. Et le cheikh il dit bayna yaday al-sharh wa li taqrir ahamiyat at-tawhid al-ibada adhkuru an-nuqat at-taliya: ta'rif at-tawhid wa anwa' at-tawhid wa alaqat al-anwa' fima baynaha. Donc pour commencer, pour expliquer l'importance de ce sujet-là, hein, parce que beaucoup de gens, comme on va le voir, il y a beaucoup de gens parlent de différents sujets dans l'islam, mais souvent il y a de la négligence sur cette question-là et sur ce sujet-là. Les gens prennent le tawhid parfois comme quelque chose d'acquis, comme si ça y est, on a déjà compris ça, qu'il y a un seul Dieu, pas besoin d'en parler, parce que c'est compris par les musulmans dans le monde entier, hein. Et les gens s'imaginent que ça y est, c'est aussi simple que ça. Pourtant, on va voir avec les clarifications et les explications du cheikh que c'est pas aussi simple que ce que les gens s'imaginent et que beaucoup de contradictions dans le tawhid existent, hein, dans la compréhension et dans l'application, hein, chez les musulmans aujourd'hui dans le monde. Et donc, sans avoir vraiment bien compris la réalité de ce que signifie le tawhid, et la ilaha illallah, eh bien, on va voir que ces choses-là, avec l'explication, deviennent plus claires, inshallah, et que on comprend son importance. Donc, premièrement, la définition du tawhid. Qu'est-ce que c'est le tawhid? Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, les catégories de tawhid. Quelles sont les différentes sortes de tawhid? D'accord? Et troisièmement, quelle est la relation entre ces différentes catégories? Il y a différentes catégories de tawhid. Quelles sont les relations qui existent entre ces différentes catégories de tawhid? Donc, le cheikh, il dit, فأقول, التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك. يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده فلا تقصد بالعبادة إلا إياه وتخلص فيها له سبحانه وتعالى. Donc le tawhid, si vous voulez une définition générale et résumée de qu'est-ce que ça signifie, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, de faire en sorte que notre adoration soit uniquement et exclusivement pour lui. Toutes les formes d'adoration soient uniquement vouées à lui seul et à rien d'autre et à personne d'autre que lui. C'est ça le tawhid. Et ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Hein? Oui, on va voir ça en détail par la suite. Wal khulus min ash-shirk. Mais c'est pas tout de dire que c'est de vouer l'adoration uniquement à Allah, mais également il faut rajouter wal khulus min ash-shirk. C'est-à-dire, hein, de se débarrasser et de rejeter toute forme de shirk, toute forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu adores Allah lui seul, et que tu le prennes lui seul comme étant l'objet de ton adoration, et que tu n'adores rien d'autre que lui, et que tu purifies ton adoration pour lui. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Ça c'est fondamental pour également pour comprendre la définition du tawhid, puisqu'on a dit que le tawhid c'est de vouer notre adoration, notre ibada à Allah seul. Pour comprendre le tawhid, il faut donc comprendre qu'est-ce que l'ibada, qu'est-ce que l'adoration. Puisque si tu ne connais pas la définition du mot ibada, comment pourras-tu purifier ton adoration pour Allah si tu ne sais pas ce que c'est? Donc, on a dit, le tawhid, c'est de faire en sorte que notre adoration soit purement et uniquement pour Allah seul, et de ne vouer aucune forme d'adoration à autre que Allah. Donc, qu'est-ce que l'adoration? En arabe, on appelle l'adoration ibadah. Qu'est-ce que c'est l'ibadah? Cheikh dit, c'est un terme général qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, ça fait partie de l'adoration. Peu importe que ce soit parmi les paroles ou les actions. Et peu importe que ce soit des paroles ou des actions intérieures, c'est-à-dire faites avec le cœur, ou extérieures, c'est-à-dire faites avec le corps. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, parmi les actions et les paroles qu'on fait, et que ce soit des actions intérieures ou extérieures, c'est ça l'adoration. Hein? Et comment on fait pour savoir si Allah subhanahu wa ta'ala aime cette parole ou aime cette action? Eh bien, c'est de regarder dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Si Allah subhanahu wa ta'ala glorifie ou fait l'éloge d'une parole, ou fait l'éloge de ceux qui font une action, hein, et qu'il mentionne qu'il aime une action, ou qu'il aime une parole, ou qu'il aime une personne qui fait une action en particulier, ou aime ceux qui ont par exemple dit une parole ou fait une action en particulier, ça indique que Allah aime cette chose-là. Et ça indique donc par conséquent que c'est une adoration. D'accord? Et donc d'offrir cette adoration-là à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique qu'on a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibada. Ça implique qu'on a commis un acte de shirk. D'accord? Puisqu'on a associé avec lui dans ses actes, dans ces actions-là. فتوحيد العبادة أن تخلص فيها ولا تقصد غيره سبحانه وتعالى في كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التوحيد هو توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات ولتوحيد الربوبية. ومن انتقض عنده توحيد العبادة انتقض إسلامه. Donc le cheikh explique que c'est ça le tawhid, et on l'appelle tawhid al-uluhiyya. Hein? Parfois on utilise le terme tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, on l'appelle al-ibada, ou bien des fois on dit al-uluhiyya. Et al-uluhiyya ça vient de al-ilah. Et al-ilah c'est al-ma'boud. Al-ilah c'est la chose qui est adorée par les hommes, la chose qui est vénéré et adoré. Donc on peut dire que al-uluhiyya c'est un synonyme de ibada. Tawhid al-uluhiyya c'est un synonyme de tawhid al-ibada. D'accord? Et on peut dire que le tawhid ou l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est quelque chose qui implique en même temps l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs, et également dans la souveraineté. Bon, là, c'est des termes qu'on mentionne comme ça au début, c'est peut-être pas toujours clair, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va détailler, expliquer chacune de ces catégories-là en détail, pour que ce soit clair pour tout le monde, Inch'Allah, et puis vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, Inch'Allah. Toutefois, il est important de comprendre, comme le cheikh il le mentionne, il dit, si quelqu'un, son tawhid dans l'adoration a été annulé par quelque chose, du fait qu'il a offert un acte d'adoration à autre que à Allah, eh bien son tawhid est annulé. Hein, c'est-à-dire qu'il a offert une adoration pour autre qu'à Allah, son tawhid devient détruit, à cause de ça. Et donc, son islam est nul. Il sort de l'islam. Il quitte l'islam parce qu'il a offert une adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, le tawhid, c'est la base de l'islam. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas d'islam. Donc, le tawhid, c'est l'islam. Et sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il y en a qui pensent parfois que l'islam, c'est résumé, par exemple, le fait d'avoir de bons comportements, d'avoir certaines bonnes, de faire de certaines bonnes œuvres, faire la salat, faire le hajj, hein, donner sadaqa, birrul walidain, hein, et ils se concentrent sur ces choses-là. Et ils ne donnent aucune importance au tawhid. Toutefois, si tu n'as pas de tawhid et que tu fais la salat, ta salat ne compte pas. Si tu fais la zakat et que tu n'as pas de tawhid, ta zakat ne compte pas. Si tu fais le hajj et que tu n'as pas le tawhid correct, ton hajj ne compte pas. Si tu fais sadaqa et tu n'as pas de tawhid, ta sadaqa ne compte pas. Tout ce que tu fais comme ibadah, si tu ne l'as pas purifié pour Allah seul, et si tu n'as pas établi ton tawhid dans l'adoration, tout ce que tu fais comme adoration, il n'a plus de valeur pour Allah, et tu as quitté l'islam, même si tu te crois musulman, et même si tu t'imagines être musulman, et même si tu te penses musulman, puisque être musulman, c'est d'établir le tawhid, et c'est ça la réalité de l'islam. Donc ça nous montre en même temps l'importance du tawhid à cause de ça, et on va mentionner les versets dans le Coran et les hadiths du prophète sallam qui confirment qu'est-ce qu'on vient d'expliquer maintenant, inshallah. Le cheikh il dit كم انواع التوحيد اقول باستقراء النصوص الشرعيه وجد العلماء ان التوحيد يشتمل على الاقسام التاليه الاولى توحيد الربوبيه الثانيه توحيد الالوهيه الثالثه توحيد الاسماء والصفات وقسمه بعض العلماء الى قسمين فقال الأول توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا فهذا توحيد العلم والاعتقاد فسورة الإخلاص مشتملة على هذا النوع. Donc le cheikh il explique que en lisant les textes de la charia, les ulama ont trouvé que le tawhid comprenait différentes catégories. Et ce sont les catégories suivantes. Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté, c'est-à-dire dans le domaine d'Allah, dans le sens que c'est lui le maître et le seigneur de tout, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui donne la subsistance à toute chose, c'est lui qui contrôle tout dans l'univers, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, hein, et ça c'est Tawhid al-Rububiyya. D'accord? Ensuite, Tawhid al-Uluhiyya, on l'a expliqué, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, que tu n'adores que lui. Puis, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. D'accord? Donc, ça c'est une des divisions que les ulama ont ramenées. Et cette division-là, ils l'ont pris de où? D'où est-ce qu'elle est venue? Elle est venue de la lecture des textes du Coran et de la Sunna. Quand on lit et on étudie les textes du Coran et de la Sunna, on ne trouve rien d'autre comme catégorie de tawhid que ces catégories-là. Hein? C'est pas quelque chose que les ulama ont inventé, c'est quelque chose qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et il y a des ulama qui l'ont divisé en deux catégories, au lieu de trois. Il y a des ulama qui l'ont divisé en deux catégories au lieu de trois, puisque ils ont réuni deux catégories ensemble, hein, puis ils ont mis al-ibada de côté. Donc ils ont réuni tawhid al-rububiyya wal-asma wa sifat ensemble, ils en ont fait une seule catégorie, Puis ils ont mis Tawhid al-Ibada comme deuxième catégorie. Donc ça fait une division hein, de deux parties hein, du Tawhid. Donc le Cheikh explique que ceux qui l'ont divisé en deux catégories, ils l'ont appelé, la première catégorie, ils l'ont appelé Tawhid al-Ilm wa al-I'tiqad. C'est-à-dire le Tawhid dans la connaissance et dans la croyance. Et ça implique quoi? Ça implique de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne lui convient pas, comme partenaire, ou comme shirk, hein, comme forme de shirk, ou comme, de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui, de tout ce qui vient en opposition avec la foi en lui, comme par exemple de lui attribuer un fils, ou de lui attribuer un père, hein, comme par exemple les chrétiens qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un fils et qui lui attribue également, hein, parfois ils disent le fils de Dieu, ils disent Dieu le Père et Dieu le Fils. Et aussi chez les autres mouchriquins dans différentes croyances et différentes religions, comme chez les hindous ou chez les grecs de l'antiquité ou chez les romains dans l'antiquité, ils croyaient que hein, les dieux se multipliaient, ils avaient des enfants, ils avaient des femmes, ils se mariaient, ils avaient des pères et des mères, ainsi de suite. Et même que les chrétiens, vous allez les entendre souvent, quand ils prient, ils disent « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Hein? Donc ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala une mère. Et ça, tout ça c'est kufr, shirk, d'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, lorsque on a compris cette catégorie-là de tawhid, on purifie Allah de ces formes de shirk, de ces formes de kufr. C'est des formes de shirk dans l'association avec, dans al-rububiyya. C'est des formes de shirk dans al-rububiyya, d'attribuer à Allah un père ou une mère et de lui attribuer des enfants. C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens sont des mushrikin, c'est des associateurs. Ils prient et ils attribuent à Allah d'avoir un père ou d'avoir des enfants. Hein? Et donc on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et il est parfait, celui qui a toutes les attributs de perfection. Et il n'a pas de fils, c'est-à-dire il n'a pas de descendance et il n'a pas été engendré, donc il n'a pas d'ancêtre. Hein? Il est le premier et il est le dernier. Avant lui, il n'y a rien, après lui, il n'y a rien. Il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Il est le premier, il est le dernier. Et il n'a pas rien qui lui ressemble ou qui soit comparable à lui. Hein? Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de pareil. Il n'a pas de semblable. Hein? Et donc, ça c'est qu'est-ce qui est expliqué et clarifié dans Sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est ça la signification de Sourate Al-Ikhlas. Et on peut voir donc que Sourate Al-Ikhlas, elle comprend sept catégories de Tawhid. La catégorie de l'asma wa sifat et la catégorie de Ar-Rububiyya. Hein, l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans ses noms et dans ses attributs. Puisque ça implique d'affirmer et d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué comme attribut de perfection et de nier tout ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala comme compagne, comme partenaire, hein, ou bien comme par exemple le fait d'avoir une descendance ou d'avoir des ancêtres ou bien d'avoir des personnes qui ou des choses qui lui soient semblables. Ça c'est cette première catégorie tawhid al-ilm wal-i'tiqad. Et la deuxième catégorie, le cheikh il dit wa thani tawhid al-qasd wal-irada wa huwa an la yu'bad illa iyyah fala yushrak bihi fi ibadatihi siwa بل يكون وحده هو المعبود وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد. Donc la deuxième catégorie, hein, si on la divise en deux, si on divise le tawhid en deux catégories, la deuxième catégorie c'est tawhid al-qasd wal-irada, l'unicité d'Allah dans l'objectif et dans l'intention et dans la volonté, c'est-à-dire que tu n'adores que lui. Tu n'adores que Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'associes rien avec lui. Hein? C'est lui seul que tu vas adorer. Hein? Donc on voit par exemple parmi les hommes plein d'êtres humains qui ont contredit cette forme de tawhid là. Et ça, on va donner des exemples de ça. Mais pour vous donner des exemples, encore une fois, les chrétiens et les mouchriquins, les autres religions aussi, qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient à une tombe, ils prient à un saint, hein, ou à un ange, ou à un djinn, ou à d'autres statues, des idoles et des images. Tout ça, c'est shirk. Hein? Et parfois même chez les musulmans, on retrouve des gens qui, malheureusement, sont tombés dans des formes de shirk semblables et qui adorent maintenant des tombes et des saints et qui croient que ces hommes-là ou ces êtres qui étaient pieux dans le passé sont capables d'exaucer leurs vœux et de guérir leurs malades et de d'aider, par exemple, si une femme ne peut pas enfanter, de l'aider à tomber enceinte ou des choses de ce genre. Et donc, ils vont à ces tombes et ils vont offrir des actes d'adoration à ces endroits-là pour demander la baraka de ce wali ou de ce sayyid ou des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est une forme d'idolâtrie, une forme de shirk. Hein. C'est quelque chose qui est en opposition avec le tawhid. Et donc, c'est cette catégorie-là dont on va parler aujourd'hui, tawhid ou l'ibada. Et ça, c'est expliqué dans surat, hein, on peut le résumer dans surat Qul ya ayyuha al-kafirun. Puisque dans la surah, quand on la lit au complet, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul ya ayyuha al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa ma ana a'bidun ma'abadtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum wa liyadin. Donc, l'unicité d'Allah dans l'ibada. Hein, on n'adore pas ce que les mouchriquins adorent et eux n'adorent pas ce qu'on adore nous, hein, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la sourate. Lakum dinukum waliyadin. Et lakum dinukum waliyadin, il y en a parfois certains musulmans, surtout à notre époque et même dans le passé, parce que il y a des ulama, même comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui en a mentionné quelque chose dans son Majmu' Fatawa, il y en a qui ont déformé la signification de ce verset là et qui ont essayé de faire croire que lakum dinukum waliyadin, ça voulait dire que toutes les religions sont bonnes. Vous avez votre religion, elle est bonne pour vous, et nous on a notre religion, elle est bonne pour nous. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? Lakum dinukum waliyadin, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, je me désavoue de votre religion parce qu'elle est fausse, et moi j'ai ma religion qui est dinul haq. Donc je vous donne les preuves, et je vous démontre les preuves de la véracité de l'islam et du tawhid, que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré, et je vous établis les preuves à ce sujet-là. Et je vous montre que ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est batil, et c'est faux. Maintenant, si après vous avoir présenté les preuves, vous refusez d'accepter la vérité, à vous votre religion de fausseté, et à moi la religion de haq, de vérité, et au jour de la résurrection, Allah va trancher entre nous. Hein? Donc c'est ça la signification de ce verset. En résumé, après le cheikh il dit wa tawhid al-ilm wa al-ma'rifa wa tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma wa al-sifat wa tawhid al-qasd wa al-talab wa tawhid al-uluhiyya wa hinama yadhkur al-ulama an at-tawhid yashtamil ala thalathati anwa' aw ala naw'ain la yuridun an kull naw'in min hadhihi al-anwa' mustaqill an al-akhar ولا يريدون أن كل نوع من هذه الأنواع هو التوحيد المعتبر شرعا بمفرده دون الآخر وإنما يريدون بالقسمة وبالتنويع مزيدا من التوضيح فهنا القسمة ليست للغيرية التي تقتضي استقلال كل قسم عن الآخر ولكن القسمة فقط من أجل البيان كما لو نقول الإنسان جسد وروح فبالروح وحدها ليس إنسانا وبالجسد وحده ليس إنسانا ومثال آخر لو قلنا الماء مكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة أو ذرة من الأكسجين هل معنى هذا أن الهيدروجين ماء؟ هل معنى هذا أن الأكسجين ماء؟ الجواب لا، وإنما الماء مجموع هذين العنصرين. ومقصود القسمة عندما نقول ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين لبيان المكونات ولبيان أن كل قسم بمفرده لا لبيان أن كل قسم بمفرده ماء كما حينما نقول التوحيد ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع فهذه الأقسام الثلاثة بمجموعها هو التوحيد المعتبر شرعا، وكل قسم بمفرده دون الآخر أو دون الآخرين ليس بتوحيد معتبر شرعا، بل لا بد من مجموع هذه الثلاثة، فالقسمة ليست للغيرية. Donc le cheikh il explique un point ici qui est très important, c'est que lorsque les ulama ils parlent du tawhid et qu'ils le divisent en trois ou en deux catégories comme on vient de le faire et comme on vient de l'expliquer, ils ne veulent pas dire par là que chacune de ces catégories-là par elle-même est indépendante de l'autre. Ils veulent uniquement mentionner ces catégories-là du tawhid, hein, pour disons clarifier et expliquer la signification du tawhid, parce que chacune de ces catégories-là à elle seule, elle ne suffit pas pour définir et pour expliquer ce qu'est le tawhid par elle-même, hein. Donc c'est pas pour dire que tawhid ar-rububiyya c'est le tawhid tout seul, non, ou bien al-uluhiyya c'est le tawhid tout seul, ou bien tawhid al-asma sifat c'est le tawhid tout seul, non. Ces trois-là ensemble forment le tawhid, et on les sépare comme ça pour les clarifier, pour l'expliquer, pour expliquer qu'est-ce que le tawhid dans sa réalité. Sinon, hein, il faut comprendre que les trois sont reliées entre elles, et on ne peut pas séparer l'une de l'autre en réalité. Si tu sépares une de ces catégories-là de l'autre, alors dans ce cas-là, ton tawhid il n'est pas complet. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre. Et le cheikh, il donne des exemples pour aider à la compréhension de ça. Il donne l'exemple qu'un être humain, c'est un corps et une âme. Une âme toute seule, elle n'est pas vivante, c'est pas un être humain. Et un corps tout seul, sans une âme, c'est pas un être humain. Il faut que les deux soient réunis pour que ce soit un être humain. Et il donne l'exemple de la molécule d'eau, hein. Il dit, par exemple, on sait que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène, hein. Donc est-ce que l'oxygène tout seul c'est de l'eau? Non. Et est-ce que l'hydrogène tout seul c'est de l'eau? Non. C'est uniquement lorsqu'ils sont réunis que ça devient de l'eau. Et donc le tawhid c'est la même chose. On le sépare en trois catégories, mais est-ce qu'une de ces catégories-là à elle seule elle suffit ou elle représente le tawhid? Non. Il faut que pour que ce soit tawhid, il faut que ce soit ces trois catégories-là réunies ensemble. D'accord? Et c'est ça qui est considéré comme étant le tawhid selon la charia, et non pas juste une de ces trois catégories-là à elle seule. D'accord? Donc ça c'est très important de comprendre ce point-là. Puisque ces trois, on va le voir à travers les explications, elles sont toutes reliées l'une avec l'autre. Elles rentrent toutes l'une dans l'autre en fait. Et le cheikh dit, ولذلك قرر المصنف يرحمه الله أن الكفار جاءوا بتوحيد الربوبية ولم يقبل منهم لماذا؟ لأنهم أخلوا بتوحيد الألوهية. وكذا لو جاء شخص مثلا بتوحيد الأسماء والصفات وقال لا أريد أن أفرد الله بالعبادة، نقول هذا التوحيد ليس معتبرا، بل لا بد من مجموع هذه الأنواع الثلاثة، فهي قسمة للبيان والتوضيح وليست قسمة للمغايرة واستقلال كل نوع عن الآخر. Donc le cheikh il explique que c'est pour cette raison là que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique dans cette risala, comme on va le lire plus tard, que les kuffars et les mushrikines, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en une catégorie de tawhid en particulier, qui est la catégorie de ar-rububiyya, tawhid ar-rububiyya. Ça, ils l'ont cru et ils l'ont accepté. Mais ils ont refusé les autres catégories, tawhid al-ibada, ils ne l'ont pas appliqué. Et c'est pour cette raison-là que le tawhid qu'ils ont ramené, tawhid ar-rububiyya, n'a pas été accepté. Tawhid ar-rububiyya, le fait de dire oui, Dieu existe, il y a un Dieu, il est unique, hein, et c'est lui qui a créé l'univers, et ça on l'accepte. Si tu reconnais ça seulement, c'est pas suffisant pour être musulman. Si tu dis il y a un Dieu, il est unique, hein, et c'est lui seul qui a créé l'univers, si tu dis ça, c'est pas suffisant pour être musulman. Si tu dis ça, tu n'es pas encore entré dans l'islam. Puisque même après ça, les gens de la Mecque, les gens de Quraysh, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, il y a un seul Dieu, et c'est lui seul qui a créé l'univers. Puis ils allaient adorer les idoles. Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat et les autres 360 autour de la Kaaba, hein, ils les adoraient en dehors d'Allah. Malgré ça, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Donc de dire que Allah c'est le créateur, qu'il est un Dieu unique, que Dieu existe, c'est pas suffisant pour être un musulman. Il faut amener les autres catégories de tawhid, comme le tawhid dans l'adoration. Et cesser d'adorer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah seul. Donc ça prouve que si quelqu'un dit moi j'accepte tawhid al-rububiyya mais j'accepte pas ou j'accepte tawhid al-asma al-sifat mais j'accepte pas d'unifier Allah dans l'adoration, c'est pas suffisant pour qu'il soit musulman. Parce que le tawhid, il ne sera pas accepté selon la sharia que s'il vient avec les trois catégories qu'on a mentionnées. Et quand on divise les catégories de tawhid, c'est uniquement pour clarifier et expliquer la réalité du tawhid, pas pour dire que chacune de ces catégories-là est suffisante à elle seule. Ensuite, le cheikh, il dit « فَإِنْ قِيلَ مِنْ أَيْنَ أُخِذَتْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فَالْجَوَابِ أُخِذَتْ بِالْإِسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ لِنُصُوصِ الشَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ ما العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة؟ فالجواب قال العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات إذن العلاقة بينهما علاقة تلازم وبين توحيد الربوبية والألوهية وعلاقة تضمن بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية بمعنى أن من اعترف بربوبية الله وأنه هو الخالق الرازق المدبر الذي ينزل المطر الذي يقسم الأرزاق الذي يحيي الأرض يعني أفعاله سبحانه وتعالى من اعترف بهذا لزمه أن لا يصرف العبادة إلا له سبحانه دون سواه ولذلك الله سبحانه وتعالى ألزم المشركين باعترافهم بالتوحيد الربوبية وكان يأمر بتوحيد الألوهية بعد تقرير توحيد الربوبية مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc le cheikh il dit, si on vous demande d'où vient cette division du tawhid, la réponse c'est que cette division du tawhid elle a été prise des textes eux-mêmes. On les a trouvés dans les textes. C'est comme ça que le tawhid se divise si on analyse les textes et si on suit les textes de la sharia dans le Coran et dans la sunna. Et si on demande maintenant, quelle est la relation qui existe entre ces trois catégories, entre les trois catégories de tawhid? Donc le cheikh il explique que les ulama ont dit que l'unicité d'Allah dans la souveraineté, elle implique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc le tawhid dans l'adoration, hein, il est prouvé par tawhid al-rububiyya. Et on va l'expliquer pourquoi. Et également, le tawhid dans l'adoration, il implique également l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc, entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya, la relation c'est quoi? C'est la relation d'implication. Puisque tawhid al-rububiyya implique al-uluhiyya. Et entre tawhid al-uluhiyya et al-asma wa sifat, il y a également une relation qui est impliquée aussi. Puisque celui qui reconnaît que Allah seul doit être adoré, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder les caractéristiques et les qualités, hein, et les attributs et les noms de perfection. C'est pour ça que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré, puisque justement, il ne possède pas les caractéristiques de perfection et les attributs et les noms de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la relation qui existe entre les trois. Dans le sens que, Cheikh il clarifie, il explique un peu plus, celui qui reconnaît par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est le seul créateur, le seul à donner le rizq, le seul qui contrôle l'univers, le seul à faire descendre la pluie, et qui divise les subsistances entre les créatures, et que c'est lui qui fait revivre la terre, hein, c'est-à-dire c'est lui qui est unique dans ses actions, hein, dans tout ce qu'il fait, il est le seul à le faire, et qui reconnaît tout ça, eh bien ça implique de sa part que quand il adore, il offre son adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas logique, c'est pas logique que quelqu'un, par exemple, dise « Je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le seul qui a créé l'univers. » Puis qu'après il va demander à autre que lui. C'est pas logique. Puisque si tu demandes à quelqu'un d'autre, alors que tu reconnais que c'est Allah le seul maître, hein, pourquoi tu vas pas t'adresser au maître directement, hein? Donc il y a une contradiction dans le fait de s'adresser ou d'adorer autre que Allah alors que tu reconnais que c'est lui seul le maître. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé aux mushrikines dans le Coran d'accepter l'unicité d'Allah dans l'adoration du fait qu'ils acceptaient l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans le Coran. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, le verset 21 et 22, « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui existaient avant vous pour que vous puissiez atteindre ou obtenir at-taqwa, pour que vous puissiez avoir at-taqwa, pour que vous puissiez craindre Allah subhanahu wa ta'ala. » Naam. Donc comme on avait commencé d'expliquer dans Surat al-Baqarah, le verset 21 et 22, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, adorez votre Rabb, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous pour que vous puissiez atteindre at-taqwa. » Hein? At-taqwa, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ce qu'il nous ordonne et de nous écarter de ce qu'il nous a interdit par crainte de son châtiment et par espoir en son paradis. Hein? Et avec connaissance, yani, en se basant sur la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la définition de at-taqwa. Et ensuite, il dit « Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan », c'est-à-dire celui qui a fait pour vous la terre comme un tapis et qui a fait le ciel pour vous comme un toit ou comme une construction et qui a fait descendre du ciel une pluie par laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous, alors ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux alors que vous savez. Dans ce verset-là, on voit clairement cet exemple de qu'est-ce qu'on explique comme relation entre Tawhid al-Ibada et Tawhid al-Rububiyya. Puisque, comme le Cheikh il dit, فَأَمَرَ بِالْعِبَادَةِ فِي أَوَّلِ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ فِي آخِرِهَا وَأَمَرَ بِالْعِبَادَةِ بِنَفْيِ الشِّرْكِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَجَعَلَ فِي الْمُنْتَصِفِ الدَّلِيلِ عَلَى هَذَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ وَمُقِرُّونَ بِهِ فَأَلْزَمَهُمْ بِذَلِكَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فهذا معنى استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية ومن اعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المقصود المألوه بالعبادة دون سواه فإن اعترف هذا يتضمن إقراره بأنه سبحانه واحد في أسمائه وفي صفاته لا مثيل له ولا شبيه له. Donc le Cheikh il dit donc qu'au début du verset, dans cette sourate qu'on a lu, dans cette aya qu'on a lu dans sourate Al-Baqarah, au début Allah il dit, hein, il donne l'ordre aux hommes, aux êtres humains, d'adorer leur Seigneur. U'budu Rabbakum. Ya Yohannas, U'budu Rabbakum. Il leur ordonne d'établir le tawhid dans l'adoration. D'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Puis ensuite, hein, il leur ramène des preuves. Hein. Puisque vous êtes d'accord avec le fait que c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui a créé vos ancêtres, hein, vous êtes d'accord là-dessus. Et vous êtes d'accord également sur le fait que c'est lui qui fait tomber la pluie et que c'est lui qui fait sortir les fruits de la terre et qui a fait pour vous la terre comme un tapis et qui a fait pour vous le ciel comme un toit qui vous couvre. Vous êtes d'accord avec tout ça. Alors ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration et n'associez rien avec lui dans votre adoration alors que vous savez tout ça. Vous savez que c'est lui seul le maître, que c'est lui seul le créateur, que c'est lui seul qui fait mourir, qui fait vivre et qui dirige toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise la preuve de Ar-Rububiyya qu'ils ont acceptée pour les amener à reconnaître que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et qu'ils doivent abandonner le shirk et l'idolâtrie qu'ils font. Qu'ils doivent cesser d'adorer les idoles et de prendre les idoles comme des divinités en dehors d'Allah ou bien des intermédiaires entre eux et Allah, puisqu'ils prétendent avoir accepté et avoir cru que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Hein? Sinon, s'ils refusent d'accepter l'unicité d'Allah dans l'adoration, ils se sont contredits eux-mêmes. Hein? Donc, c'est ça que le cheikh explique. Au début du verset, il ordonne l'adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ordonne également l'unicité d'Allah, l'unicité de l'adoration dans la fin du verset en interdisant de faire le shirk avec lui, en disant ne lui donnez pas des égaux. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et andad, c'est le pluriel du mot nid en arabe qui signifie les égaux, les semblables. Donc ne donnez pas des égaux et des semblables. Égaux dans quoi? Égaux dans l'adoration. Ne faites pas d'équivalence ou d'égalité entre les idoles ou entre les choses que vous adorez parmi les créatures et le créateur en les adorant. Wa antum ta'lamun. Alors que vous savez que c'est Allah seul qui a tout créé et qui est le seul maître et qui est le seul pourvoyeur. Hein? Donc, il a utilisé une catégorie de tawhid comme preuve pour établir et amener les autres à reconnaître l'autre catégorie de tawhid. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une relation entre ces deux-là. Et c'est pour ça qu'il leur mentionne des aspects de Ar-Rububiyya. D'accord? Donc, c'est l'exemple de l'implication entre ces deux catégories-là. Et en ce qui concerne l'implication ou le lien qui existe entre Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et Tawhid al-Asma wa al-Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, le lien entre les deux, comme le Cheikh il dit, c'est que celui qui a reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, hein, et que c'est lui seul qui, à qui on doit offrir notre adoration, cette reconnaissance-là et le fait d'accepter ça, ça implique, hein, que tu dois reconnaître et confirmer qu'il est le seul à posséder les noms de perfection et les attributs de perfection et qu'il est le seul à posséder cette perfection-là et qu'il est le seul à posséder ses noms et ses attributs et qu'il n'a pas de semblable et qu'il n'a pas d'égal et il n'a rien qui se compare à lui. La mathila lahu wa la shabiha lahu. Et le cheikh il mentionne le verset 11 dans sourate Shura, fa'atiru as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fih laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc le cheikh dit: إذ إن الإنسان لا يقصد واحدا بالعبادة دون سواه إلا وهو يعلم أن هذا الواحد لا مثيل له في قدرته ولا مثيل له في ملكوته ولا مثيل له في صفاته وفي أسمائه في كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. Parce que le cheikh dit que l'homme, lorsqu'il a voué son adoration à Allah seul et qu'il a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il a su que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique, et qu'il n'y a personne qui lui ressemble dans sa force et dans sa puissance, qu'il n'y a rien comme lui, il n'y a rien de comparable à lui dans يعني son royaume et dans ce qu'il détient comme comme création, et il n'y a rien non plus qui lui ressemble dans ses noms et dans ses attributs. Donc toute personne hein, qui a reconnu ça, c'est sûr qu'il va offrir son adoration que à Allah seul. Il ne va pas aller demander à quelqu'un d'autre ou adorer quelqu'un d'autre. Hein. On va terminer avec la citation que le Cheikh Bazmoul, Mohamed Bazmoul, rahimahullah, a cité de l'imam ابن تيمية رحمه الله الذي قال ابن تيمية رحمه الله وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته وكل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل كلام أو أفضل الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإله الذي يألهه أو يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. Donc le cheikh il mentionne cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui en réalité qui montre l'importance du tawhid et qui résume en fait le rôle du tawhid et son importance dans la religion. Et il dit donc Cheikh al-Islam que يعني, le fait d'adorer Allah lui seul, c'est la base de la religion. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de n'adorer que lui, c'est ça la base de l'islam. C'est ça la base de la religion. Donc en fait, c'est le tawhid. Le tawhid dans l'adoration, c'est la base de l'islam. Et c'est ça le tawhid que Allah a ordonné à tous ses messagers d'enseigner à l'humanité. Tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, il les a tous envoyés avec ça, avec ce tawhid. Le tawhid dans l'adoration. Et c'est avec ce tawhid également que tous les livres que Allah a révélés à l'humanité, hein, tous les livres que Allah a révélés, est venu pour enseigner à l'humanité la base de ce message-là, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. Et il mentionne des preuves de ça dans le Coran, comme le verset 45 dans Sourate Az-Zukhruf. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Demande à ceux parmi nos messagers qu'on a envoyés avant toi. Hein? Est-ce que on avait établi pour eux une autre divinité qu'ils pouvaient adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux? Les messagers qui sont venus avant, est-ce qu'ils ont enseigné aux hommes d'adorer autre que Allah? Jamais. Hein? Et même les gens qui ont dévié parmi les gens du livre, hein? Si vous leur demandez, est-ce que Isa a ordonné aux hommes d'adorer autre que Allah? Est-ce qu'il a ordonné aux hommes qu'on l'adore lui? Nulle part ils peuvent prouver ce genre de choses-là. C'est-à-dire que même les chrétiens aujourd'hui, quand ils regardent dans leur propre livre, ils ne peuvent pas trouver nulle part où Isa, alayhi salam, aurait dit aux hommes, adorez-moi. Nulle part. Ou bien adorez ma mère. Nulle part. Ils n'ont jamais dit ça. Et c'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Ma'idah qu'au jour de la résurrection, quand les hommes vont être présents devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va s'adresser à Isa ibn Maryam devant toute la création, devant tous les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander, est-ce que toi t'as dit aux hommes, prenez moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Et Isa ibn Maryam, il va nier. Il va dire, jamais j'aurais pu dire une chose pareille. Je n'ai aucun droit de dire une chose pareille. Donc ça c'est un exemple de ça. Aucun messager avant le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a enseigné aux hommes d'adorer d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dans sourate An-Nahl verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous avons fait susciter dans chaque umma, dans chaque nation, un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Adorez Allah seul, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le tarout, c'est quoi? C'est tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah. C'est ça le tarout. Le tarout, c'est les idoles, c'est le shaitan. C'est ça le tarout. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un tarout. Et donc, les messagers, lorsqu'ils viennent à leur peuple, ils disent ça à leur peuple. Ils disent, adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Ils ne parlent pas d'autre chose que de ça en premier. C'est la base de leur message. C'est la base de la chose avec laquelle Allah les a envoyés. Ensuite, il mentionne le verset 25 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Donc tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, chacun d'entre eux, la première chose qu'il a dit à son peuple, c'est d'adorer Allah seul, et que rien ne mérite d'être adoré, excepté lui. Et notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a concrétisé et réalisé le tawhid, et il l'a enseigné à sa umma, et il a établi le tawhid, qui est la base de la religion, qui est la tête de la religion. C'est la tête de la religion par rapport à la religion en entier. C'est comme un corps, s'il n'a pas de tête, il ne peut pas tenir. Un corps sans tête, il ne peut pas vivre. Si tu coupes la tête de quelque chose, eh bien, le corps tout seul, il ne peut rien faire. Eh bien, le tawhid par rapport à le reste de la religion, c'est comme la tête. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de religion. Le reste ne peut pas tenir. Et donc, le tawhid, si tu ne l'as pas établi dans ta religion, aucune de tes œuvres ne sera acceptée, comme on l'a expliqué au début. C'est pour ça que le cheikh il dit « Alladhi la yaqbalu Allahu amalan illa bihi ». Quelqu'un peut arriver au jour de la résurrection avec des œuvres comme des montagnes. Il a fait des sadaqas, il a fait des jeûnes, il a fait plein de bonnes actions. Il arrive au jour de la résurrection avec ça, mais il y a du shirk, il a associé avec Allah. Alors toutes ces œuvres sont vaines, aucune valeur. Le mushrik, lorsqu'il se présente devant Allah, Allah il prend ses œuvres, il les fait devenir de la poussière. Donc c'est pas comme les gens aujourd'hui qui disent l'important c'est pas la religion, l'important c'est pas ta religion, l'important c'est que tu es une bonne personne, tu fais le bien, tu fais pas de mal à personne. Et que tout le monde, après tout ils disent bon, il y a des musulmans qui sont bons, il y a des chrétiens qui sont bons, il y a des juifs qui sont bons. Puis dans toutes les religions, il y a des gens qui font du mal. Donc l'important, ce n'est pas la religion, l'important c'est de faire le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit non, l'important ce n'est pas juste seulement de faire le bien, l'important c'est que à la base du bien que tu fais, il faut qu'il y ait le tawhid. Parce que si tu fais du bien sans le tawhid, eh bien Allah ne va pas l'accepter. Allah ne va pas l'accepter. Allah il dit « Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ». On va prendre qu'est-ce qu'ils ont fait comme bonnes actions, qu'est-ce qu'ils ont présenté comme bonnes œuvres, et on va le faire devenir comme de la poussière éparpillée par le vent. Donc c'est pas juste de dire l'important c'est d'être bon et de faire le bien. Non, c'est de faire le bien avec, à la base de ce bien-là, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ce bien que tu fais n'a aucune valeur. Et également, pour montrer l'importance du tawhid, c'est que c'est, si quelqu'un a établi le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner les autres péchés qu'il a commis et le mal qu'il a fait durant sa vie. Sauf que celui qui vient avec le shirk, qui a opposé le tawhid, il ne sera jamais pardonné. Il ne sera jamais pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 48, dans Surah An-Nisa, que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on ait commis le shirk avec lui. Il ne pardonne pas à quelqu'un qu'on ait associé quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Mais autre péché, tout autre péché que ça, il le pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que si par exemple quelqu'un, hein, il a commis des péchés, des grands péchés, hein, parmi les grands péchés, comme par exemple quelqu'un il a tué, ou il a volé, ou il a fait le zina, ou il a bu de l'alcool, ou il a mangé du porc, et il reconnaît que tout ça c'est haram, et il a honte de ce qu'il a fait, hein, il sait que c'est des péchés, que c'est qu'Allah a interdit ces choses-là, sauf qu'il les a commis, et il est mort comme ça, hein, il est sous la volonté d'Allah, Allah peut lui pardonner, et le faire rentrer dans son paradis par sa miséricorde, ou bien il peut le châtier et le mettre en enfer pour un nombre de temps, que Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît, puis par la suite le faire sortir de l'enfer, parce qu'il est un, parce qu'il a établi le tawhid. Et c'est, tandis que celui qui est mort sur le shirk, celui qui a commis le shirk, mais qui n'a jamais tué personne, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais fait le zina, qui n'a jamais mangé de porc, qui n'a jamais bu d'alcool, il n'a commis aucun des grands péchés, mais qui a adoré d'autres que Allah, lui, il n'a aucun espoir dans le pardon. Et il sera pour l'enfer, il sera dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Pourquoi? Parce que la base, c'est le tawhid. Hein? Et que les bonnes œuvres que tu fais, si tu ne les as pas faites sur le tawhid, elles ne seront pas acceptées. Parce que la plus grande injustice et le plus grand crime, c'est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna shirka la zulmun azim. » La justice, c'est quoi? La justice, c'est de donner à chaque chose, à chaque personne ce qu'il mérite. Et de mettre chaque chose dans sa juste mesure et là où il va. Hein? Et de brimer à quelque chose ce qui lui revient, de lui enlever ce qui lui revient, ou de mettre quelque chose autre qu'à sa place, ça c'est une injustice. Hein? Donc la plus grande injustice, le plus grand droit, c'est de remettre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui revient. Et c'est quoi? C'est de lui attribuer et de lui offrir à lui seul l'adoration. Ça c'est son droit. Hein? Et de priver Allah subhanahu wa ta'ala de ce droit-là, c'est la plus grande des injustices. Donc la personne qui commet le shirk, c'est le plus grand des injustes. Il n'y a pas d'injustice plus grande que celle-là. Et donc peu importe quelle bonne action que la personne ait pu faire, ça peut pas, hein, effacer ou enlever ou éliminer cette injustice-là, puisque c'est la pire de toutes les injustices. Et peu importe quelle bonne action un individu aurait pu faire, s'il a commis le shirk, donc ça peut pas faire en sorte qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala ou pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un, par exemple, il a établi le tawhid, mais il a fait d'autres péchés, mais ces autres péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui faire miséricorde, il peut lui pardonner. Et il peut le punir également, pour le purifier de ces péchés-là, puis le faire rentrer dans son paradis. Parce qu'il a à la base le tawhid. Et c'est pour ça qu'il y a des athars et des versets qui expliquent, par exemple, il y a un verset dans le Coran qui clarifie, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Hijr, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Et dans le tafsir de ce verset, les ulama ils ont expliqué, c'est-à-dire ce jour-là, les mécréens, ils vont souhaiter avoir qu'ils auraient été musulmans, les mécréens qui sont dans l'enfer avec les croyants, hein, qui ont été punis à cause des péchés qu'ils ont faits. Ils sont réunis dans l'enfer. Dans l'enfer, il y a certains musulmans qui vont brûler parfois. Hein? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ça. Hein? Mais il y en aura quand même certains musulmans qui seront dans l'enfer et qui vont brûler. Maintenant, les mouchriquines vont voir ces musulmans-là. Ils vont dire, mais vous étiez musulmans. Vous faisiez la salat. Vous faisiez, hein, les pratiques de la religion musulmane. Et malgré tout, vous êtes avec nous dans l'enfer. À quoi ça vous a servi d'être musulman et de croire en l'islam, puisque les autres musulmans sont au paradis, hein, et vous êtes ici en enfer avec nous. À quoi ça vous a servi tout ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala les prend et les fait sortir de l'enfer et les fait rentrer au paradis. Alors à ce moment-là, les mouchrikoun, quand ils voient les musulmans, que Allah les fait sortir de l'enfer et les fait rentrer au paradis, là à ce moment-là, ils ont le remords dans leur cœur. Et ils souhaitent que sur la terre, ils auraient cru en l'unicité d'Allah et qu'ils n'avaient rien associé avec lui dans leur adoration. Mais bien entendu, après la mort, c'est trop tard pour se repentir. C'est trop tard pour revenir. Hein? Mais tant que quelqu'un est en vie et qu'il entend la da'wa du tawhid et qu'il entend le message de l'islam, il a toujours encore de l'espoir pour se repentir du shirk qu'il a commis et de revenir au tawhid, hein? Et d'accepter le message des messagers d'Allah. Hein? Et donc celui qui a établi son tawhid et qui s'est écarté du shirk, eh bien il a une promesse d'être au paradis. Hein? Et ça, ça montre la grandeur du tawhid. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut. Et celui qui a commis le shirk avec Allah, il a certes inventé un grand mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que la parole du tawhid, kalimatu tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est la signification de la ilaha illallah, c'est la meilleure parole et la plus grande parole. Il n'y a pas de parole ou de zikr meilleur que celui-là. La ilaha illallah. Hein? Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est la meilleure parole en islam. Pourquoi? Parce que justement, c'est la base de cette religion. C'est la base de cette religion. Ça explique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tawhid al-ibad. Hein? Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Et il y a un verset dans le Coran qui est considéré comme étant le plus grand verset dans le Coran. Ayatul Kursi. Hein? Et pourquoi il est le plus grand verset? Parce qu'il explique et il établit le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est le plus grand verset. Et il commence justement par cette parole. Allahu la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Al-hayyul qayyum, le vivant, et celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, et tout le monde, toute créature a besoin de lui. Al-hayy, le vivant, al-qayyum. Hein? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc, aucun sommeil, ni somnolence, ni fatigue ne le touche. Ça, c'est une ayah dans le Coran, du début jusqu'à la fin, elle ne fait qu'affirmer hein, l'unicité d'Allah et le tawhid et la perfection d'Allah et nier tout ce qui est imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est le plus grand verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entre au paradis. Celui dont la dernière parole est de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il entre au paradis. Donc ça c'est important de le comprendre et de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et bien entendu c'est pas juste de dire la ilaha illallah puis de faire le contraire. C'est de dire la ilaha illallah en ayant compris sa signification et en ayant cru en cette signification-là et en l'ayant appliquée dans notre pratique. Parce que celui qui dit la ilaha illallah puis qui adore d'autres avec Allah par la suite, bien entendu, ce témoignage-là il sera pas valable pour lui. Hein? Et ça, on va le clarifier plus tard dans les autres cours, inshallah. Après le cheikh il dit wal ilah الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. Donc الإله, le cheikh explique la signification. Quand on dit la ilaha illallah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, et Allah c'est الإله. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est adoré par les cœurs et celui de qui on recherche l'aide, celui en qui on met notre espoir, celui qu'on craint, celui qu'on respecte, celui qu'on vénère. Hein? Donc c'est ça, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que ça signifie, al-ilah. Et donc le cheikh dit, wa ba'da hadha at-tamhid, nadkhulu ila sharh ar-risala. Inch'Allah. Donc là, maintenant, le cheikh, il a terminé cette petite introduction, cette petite préface, d'accord, de cette risala, et il va commencer à expliquer en détail la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de donner les preuves et les clarifications à ce sujet-là. Nous, on va s'arrêter ici pour maintenant, Inch'Allah, parce que on a terminé l'introduction, puis on continuera, Inch'Allah, demain, la suite de l'explication de la risala du cheikh à ce sujet. Donc, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et encore une fois, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ikhlas, tawfiq et accepte nos œuvres bi'idhnillah.